بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. Bienvenue à vous. Et là on va poursuivre dans d'autres مسائل relatives à ما يسمى بالطهارة، qui est la purification. Qui est des choses les plus primordiales à connaître, sur lesquelles se base maintes adorations, dont la plus importante est la salat. طيب. نواصل. Donc la dernière fois, on avait pris les membres des ablutions, qu'on commence par le côté droit. On avait pris la façon générale la plus complète de faire les ablutions. Et maintenant, on va continuer. يقول في المسألة الواحدة وستين 61e question. من لبس الخفين. Celui qui met les خوفs. Les خوفs, c'est un peu comme des chaussettes de cuir, des pantoufles en cuir. Et qui remontent jusqu'au-dessus des chevilles. Et dedans rentre le jugement des chaussettes. Dans un hadith, c'est venu Mayusamabi al-Sakhanein, ou un love dans ce sens-là. Et ce love de Sakhanein, c'est tout ce qui recouvre le pied et qui le garde au chaud. Et que cela doit monter au-dessus des chevilles. Donc cela englobe les chaussettes. Si les chaussettes ou les roufs sont en dessous des chevilles, le jugement qui devra suivre ne sera pas valide. Également, il ne faut pas que les chaussettes soient trop légères, car il faut que ça reste une chose qui réchauffe les pieds. Et également, les chaussettes un peu trouées, le jugement est accepté, car comme l'a dit Ibn Taymiyyah, que les Sahaba marchaient avec, justement, des bandes autour des pieds, et il est certain qu'elles devaient être déchirées, qu'elles devaient avoir des trous. Vu le peu de moyens qu'ils avaient à l'époque, il est certain qu'il le faisait quand même sur des choses qui étaient elles-mêmes déchirées ou trouées. Non. Man labisa al-khuffayn aw jarabayn ala wudu yushra' lahu an yamsaha 'alayhima. In kana muqiman yamsahu 'alayhima yawman wa layla, wa in kana ala safarin yamsahu 'alayhima thalath ayyam bi layalihin. Celui qui met des khuffs ou des chaussettes, après avoir fait son roseau, il lui est légiféré de les essuyer. C'est-à-dire en passant les mains mouillées sur ses chaussettes ou ses deux roufs. S'il est résident, il peut essuyer pendant un jour et une nuit. Et s'il est en voyage, il peut essuyer trois jours et trois nuits, comprises. Et Dalil, c'est le hadith de Abu Bakr radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rakhasa lil musafir idha tawadda'a wa labisa khufayhi thumma ahdatha wudu'an an yamsaha thalatha ayyam wa layalihin wa lil muqim yawman wa layla, akhrajahu ibn Majah. La preuve, c'est le hadith de Abu Bakr radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux voyageurs, lorsqu'il fait ses ablutions, et même il avait ordonné dans certains hadiths, comme dans le hadith de Safwan ibn Asal, c'était un ordre, que lorsqu'il fait ses ablutions, il met ses khoufs, puis perd ses ablutions, alors lorsqu'il refait ses ablutions, il n'a pas à retirer ses khoufs ou ses chaussettes, mais il peut essuyer dessus avec ses mains. Pour le voyageur, c'est pendant trois jours et trois nuits. Et pour celui qui n'est pas voyageur, c'est un jour et une nuit. Maintenant la question, de quand débute le temps de l'essuyage en réalité? Est-ce lors du revêtement des chaussettes ou après le premier essuyage qu'il y a lieu dessus? Les 24 heures débutent après le premier passage dessus. En réalité, par exemple, tu as fait tes ablutions pour le Dhuhr. Après, tu as fait Salat al-Dhuhr. Ensuite, un peu avant le Asr, tu as perdu l'Ozo. Tu as été aux toilettes ou autre. Donc tu refais l'Ozo pour le Asr, et de là, tu essuies sur tes chaussettes ou tes roufs. Alors on va compter 24 heures à compter de ce moment-là. Pas à compter du moment où tu les as enfilés, mais à compter du moment où tu as fait le premier essuyage dessus, tu auras droit à 24 heures à essuyer dessus, c'est-à-dire jusqu'au Asr du lendemain. D'accord? Et à savoir que c'est pas au Asr du lendemain exactement que tu dois recommencer, mais à partir du moment où tu auras, si tu as perdu les ablutions, dans un temps compté après ce Asr-là, tu dois retirer les chaussettes et relaver tes pieds. Sans quoi, on dit par exemple que tu as fait un essuyage sur tes chaussettes au Dhuhr du lendemain, mais qu'au Asr, tu n'as pas perdu tes ablutions encore. Bah, tu peux garder tes chaussettes jusqu'au moment où tu vas perdre tes ablutions. Là, à ce moment-là, si le Asr est dépassé, tu ne pourras réessuyer dessus. C'est-à-dire que c'est pas au bout de 24 heures, tes chaussettes, là, c'est plus valide. Non, c'est à partir de 24 heures, si tu as passé ce temps-là, cette durée-là, et que tu perds tes ablutions, tu ne peux plus essuyer dessus. Il faut que tu les enlèves. Mais si jamais tu n'as pas perdu tes ablutions, alors le décomptage n'est pas un annulatif en lui-même. Ça n'annule pas tes ablutions au point de dire « Ouais, il faut que j'enlève mes chaussettes et que j'en fais mes ablutions. » Non. En espérant que j'étais bien clair. Que tu ne refais les ablutions, que si tu perds, tu les perds après le premier temps d'essuyage, là, tu ne peux réessuyer dessus. Tu seras obligé d'enlever tes chaussettes. Et il en est de même pour celui qui fait pendant 3 jours. Ça compte à partir du moment où il a fait le premier essuyage dessus, il compte 3 jours et 3 nuits derrière. Non. Moyakoul al-mashu ala dhohir al-khufayn. Que l'essuyage se fait sur le dessus des chaussettes. Et pas en dessous. Et le dalil, c'est le hadith, ou plutôt une parole de Ali ibn Talib, radiallahu anhu. Il a dit, Laukana ad-din bi-ray, lakana asfal al-khuf, awla bil-mash. Walakin ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, masaha ala dhohir. Il a dit quoi, Ali ibn Abi Talib? Si la religion était basée justement sur la réflexion et la raison, c'est-à-dire qu'on déduisait des jugements par la raison, alors le dessous des chaussettes ou des roufs serait plus à même d'être essuyé. Parce que c'est vrai que c'est là que c'est sale, c'est par terre lorsque le contact se fait avec le plat du pied et avec le sol. Mais il a dit, cependant, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam essuyer le dessus, c'est-à-dire sur le dessus des pieds. Donc, on fait comme ça. Et c'est vu dans notre hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a essuyé le dessus de ses pieds. Donc, on passe comment? Les mains, d'accord, sur le dessus des pieds. C'est tout. Et les mains mouillées, bien sûr. Donc, ce jugement-là est valable pour les roufs de base et pour les chaussettes également. Fumaqal, fis mas'alat, الثانية وستين 62e مسألة إذا حضرت الصلاة ولم تجد الماء فتيمم. Lorsque le temps de la salat rentre et que tu ne trouves pas d'eau, fais les ablutions sèches, ce qu'on appelle tayammum. Tayammum. والدليل قول الله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Et si vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à du sa'id pur. Sa'id pur, c'est la terre, le sol. Puis essuyez-vous-en vos visages et vos mains. Et dans le hadith de Sa'id, et le Sa'id plutôt à Fouin, c'est la poussière de la terre. Et le dalil, c'est le hadith de Huzaifa. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida wa ju'ilat تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la terre entière a été rendue pour nous un lieu de salat. C'est-à-dire un lieu dans lequel on fait la salat. Et c'est tout, c'est-à-dire tout lieu sur terre, on peut y faire la salat. Hormis des lieux précis, comme dans les cimetières, ou comme dans les lieux de défection, ou également dans l'enclos des chameaux. Dans ces lieux-là, ce n'est pas permis. Sinon, en quoi, on peut faire salat en tout endroit, lorsque le temps est bien. Et il a dit, sa poussière nous a été rendue purifiante pour nous, pour lorsque nous ne trouvons pas d'eau. Donc de là, les ulama, il y a une divergence. Il y a des ulama qui disent As-Sa'id, comme dans le verset, c'est tout ce qui se trouve sur terre. C'est-à-dire que pour eux, tu peux faire le tayammum en t'assuyant sur un mur, sur une chaise, sur toute chose qui est sur le sol, un arbre, même si c'est lisse. Et d'autres ulama, ils voient le terme du hadith, turbatuha, c'est-à-dire la poussière du sol, ils voient que c'est valable que pour le sable ou la terre, c'est-à-dire des choses qui laissent de la poussière sur la main. Car d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris le tayammum, il a frappé le sol par terre, puis a soufflé dessus, puis s'est essuyé le visage et les deux mains. Donc, dans l'aïd, les ulama disent non, le tayammum, on le fait qu'avec le sol, avec la terre ou du sable, une chose qui soit poussiéreuse, et pas des choses lisses. Ça, c'est une divergence qui existe. Ce qui n'est pas lisse, pour eux, ce n'est pas valide. Prendre une pierre, ce n'est pas valide. Prendre un mur, ce n'est pas valide. À part si ça avait été un mur en terre, avec de la terre dessus. L'année qui s'époussière sur la main. Donc moi, ce que je conseille, comme d'habitude, aux gens, c'est dans ce genre de masaïl, de prendre l'avis le plus prudent. De faire tayammum avec un sol poussiéreux. C'est-à-dire du sable ou de la terre. Comme ça, au moins, il sort du doute. C'est une divergence qui existe entre les savants. D'accord ? L'avis de tout faire est plus facile, c'est sûr. Mais l'avis de la poussière, lui, est plus prudent. Donc maintenant, mas'ala, ce tayammum, est-ce que c'est seulement en absence d'eau qu'on le fait ? Non. C'est également toute situation où on ne peut utiliser l'eau, pour différentes raisons. Pour cause de maladie, pour cause de blessure, et autres. Par exemple, quelqu'un qui est malade et qui craint qu'avec l'usage de l'eau, sa maladie ne perdure ou qu'elle ne s'empire. Lui, il peut faire le tayammum. Par contre, tayammum, ce n'est pas pour quelqu'un qui est malade, qui est par exemple qui est en bonne santé, qui a peur de tomber malade. Non. Tant que tu es sain et en bonne santé, et que tu as de l'eau, si tu peux, réchauffe-la. Réchauffe-la. Maintenant, le fait de dire si jamais je fais tayammum, je vais tomber malade, on dit non, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Si l'eau elle est présente et que tu es de base en bonne santé, fais le tayammum. Fais l'ozo. Et après, c'est pas ça ce qui se passera. Mais à partir du moment où tu es déjà malade ou tu es blessé et que le contact avec l'eau va te nuire, te porter préjudice, alors là, tu peux. Et le tayammum est également valable pour les grandes ablutions. Min al-janaba al-kubra. Lorsqu'on est en janaba, quand on va parler, par exemple, un homme qui a eu des rapports, une femme qui a eu des rapports, ou même une femme qui a eu ses menstrues, lorsqu'elle fait son roussel, son lavage intégral, le tayammum est également valable dans cette situation pour qui ne trouve pas d'eau, ou qui, pour qui l'usage de l'eau serait nuisible. C'est pareil. Ça vaut pour les deux. D'accord ? On peut faire tayammum également pour Rusl al-Janaba. Donc ce tayammum qu'on appelle ablution sèche, on le fait avec un sol poussiéreux, du sable, dans lesquels on ne trouve pas d'eau. Vraiment, l'eau est introuvable. Ou alors dans le cas où l'eau est trouvable, mais inutilisable, pour cause de préjudice que cela pourrait provoquer. En espérant que cela ait été compris. Biznillah ta'ala. يقول فإذا فرغت من وضوئك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Lorsque tu as fini tes ablutions, tu fais, il est recommandé de prononcer les deux attestations. D'ailleurs, on avait oublié de dire la dernière fois, lorsque tu fais les ablutions, il est recommandé de faire la basmala. de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de commencer. Tout comme il le recommandait, après avoir fini, de prononcer les deux attestations. Et le dalil, c'est le hadith de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui a dit « Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum ahadin yatawaddah fa yasna al-wudu, thumma yaqul, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah, yadkhulu minha haythuma sha'a. » Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas un seul d'entre vous qui fait ses ablutions en les accomplissant parfaitement, puis dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sans que les 8 portes du paradis ne lui soient ouvertes et qu'il rentre par celle qu'il veuille. Ou celle qu'il veut. N'importe quel pas musulman. Donc c'est ça le zikr à faire après avoir fini les ablutions. ثم يقول نواقض الوضوء. Maintenant les choses qui annulent les ablutions. On va les citer là. أولا الخارج من القبول والدبر. Tout ce qui sort des deux orifices, de devant et de derrière, pour l'homme comme pour la femme. Tout ce qui sort. Même des gaz. D'accord ? Même des gaz. Sauf que, pour l'homme, la sortie du sperme, elle, demandera de faire les grandes ablutions. Le ghusl. Ça demandera de faire les grandes ablutions, le ghusl. Mais les grandes ablutions, évidemment, rentrent dans ce chapitre, car elles annulent la purification de toute façon. Le fait que tu dois faire tes grandes ablutions, c'est-à-dire le ghusl, cela implique forcément que les petites également ont été annulées. Non. Donc tout ce qui sort de devant et de derrière, les selles, l'urine, le sang des menstrues des femmes, le sperme des hommes, le mazi des hommes, c'est ce qu'on appelle le liquide. À chaque fois, j'oublie le nom. Vous savez, le liquide visqueux là, que les hommes ils ont là. Ah, j'ai oublié le nom en français. Bon, vous voyez de quoi je parle. Tout ça, ça annule les ablutions. Wa dalilu hadith Abi Huraira, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Attendez, j'ai un problème sur l'application. طيب لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. Qu'aucune salat n'est acceptée si une personne aura fait, on avait dit quoi, le hadath? Le hadath, c'est tout ce qui provoque l'annulation des ablutions par la sortie, une chose qui sortirait d'un des deux orifices, de devant et de derrière. Ça, c'est le hadith d'Abu Huraira. À partir du moment où une chose sort de devant et de derrière, cela annule tes ablutions. Donc ça, c'est le premier annulatif. D'accord? Ce qui sort d'un des deux orifices. Thumma thani wa thalith, deux et troisième annulatif, an-nawm mustaghriq wal janaba, le sommeil profond et la grande impureté. Donc le sommeil profond, quelqu'un qui viendra somnoler seulement. C'est-à-dire que ce qui se passe autour de lui, il l'entend, il le ressent encore. Lui, il n'a pas à refaire ses ablutions. Mais celui qui dort d'un sommeil profond, au tel point qu'il ne sait plus ce qui se passe autour de lui, même si ça dure 5 minutes, par exemple, il s'est mis à ronfler ou je ne sais quoi, il s'est endormi concrètement, c'est-à-dire il ne sait plus ce qui s'est passé autour de lui, le laps de temps où il s'est endormi, cela annule ses ablutions. Et la jhana abba, c'est lorsque un rapport sexuel a eu lieu ou qu'il y a une sortie du sperme qui était fait pour l'homme. Et la femme également, ce liquide qui sort de la femme, eh ben en arabe, il s'appelle mani. Et le mani, à la base, c'est le sperme. Donc je ne sais pas c'est quoi le nom scientifique en français, mais en arabe, c'est le même nom pour l'homme, pour la femme. Étrangement, mais c'est le même nom. Bien que les deux sont de substances différentes, mais les deux, ils portent le même nom en arabe. Donc la sortie de ce liquide emmène Tayyib à Rousse al-Janaba, pour l'homme comme pour la femme. Qu'il y ait eu des rapports, que cela ait lieu par un rêve ou autre. À partir du moment où le liquide est sorti, il faut faire les grandes ablutions. Donc on avait dit tout à l'heure que les grandes ablutions annulaient la purification. Non. What dalilu? C'est le hadith de Sofwan ibn Assal, qu'on avait dit tout à l'heure, par rapport au masque sur le khufayn, l'essuyage sur les chaussons. Kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna idha kunna safaran alla nanza'a khifafana thalatha ayyam wa layalihinna illa min janabatin walakin gha'itin wa bawlin wa nawmin. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que c'était fortement recommandé, nous ordonnait, lorsque nous étions en voyage, de ne pas enlever nos roufs ou nos chaussettes 3 jours et 3 nuits, sauf pour la grande impureté. C'est-à-dire cela implique que l'essuyage sur les chaussures n'est valable que pour les petites ablutions, pas pour les grandes. Pourquoi ? Parce que la grande impureté implique forcément un lavage. Donc le lavage, il faudra que tu te déshabilles complètement. Ah, donc ce rouf, cet essuyage sur les roufs n'est valable que pour, en cas de sel, d'urine ou de sommeil. Mais pas pour les grandes impuretés, ce qu'on appelle la janaba. Cela implique qu'il faille te laver. Mais ce hadith est une preuve que les grandes impuretés annulent les ablutions. C'est ça le shahid du hadith. Et aussi, l'auteur cite un point important. Nawm al-anbiya laysa binaqid li wudhu'ihim. Ah oui, j'ai oublié de dire également ce hadith, c'est une preuve que le sommeil, d'accord, le sommeil, qu'elle a dit, en cas de sel, d'urine ou de sommeil. Ce qui prouve que cela annule les ablutions. Et il y a d'autres hadiths, mais celui-ci nous suffira, Inch'Allah. Ah oui, ce qui prouve que le hadith, que le sommeil, le seul qui soit annulatif de l'islam, de la purification, afwan, lapsus, c'est que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, une fois avait tardé à faire le isha, l'adhan avait été fait, puis il est parti s'entretenir avec un homme en privé. Et il a tardé au point où les gens qui attendaient au masjid sont endormis. Mais ils somnolaient, ils ne sont pas endormis dans le sommeil profond. Et de là, ils ont fait l'iqamat al-salat, ils sont levés, ils ont fait la salat, sans en faire les ablutions. Pourquoi ? Car ils n'ont pas été pris d'un sommeil profond. Non. Et on disait, mas'ala importante, wa nawm al-anbiya laysa binaqid li wudhu'ihim. Et que le sommeil des prophètes n'annule pas leurs ablutions. Ça, c'est un jugement qui est propre aux prophètes. Comme dans le hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-anbiya tanam ayunuhum wa la qulubuhum. Les prophètes, leurs yeux dorment mais pas leur cœur. Donc cela leur est spécifique. Quatrième annulatif, mas al-zakar, le fait de se toucher les parties génitales, son sexe directement, qui a contact direct avec le sexe. Et le dalil, c'est le hadith de Bousra bint Sofwan, radiallahu anhuma, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, man massa zakarahu, fala yusalli hatta yatawadda. Il a dit, quiconque touche son sexe, qu'il ne fasse pas la salat avant d'avoir refait ses ablutions. Également, dans un hadith de Abdullah ibn Amr, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, ayyuma rajulin مس ذكره فليتوضا وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضا. Dans une autre version du hadith qui a été authentifiée par l'auteur, il a dit tout homme qui touche son sexe, qu'il fasse ses ablutions. Et toute femme qui touche son sexe, qu'elle fasse ses ablutions. Donc c'est valable pour l'homme, comme pour la femme. Et notre cher Yahya voit que si la femme touche également le sexe d'un homme, à l'homme de son mari, ou même celui de son enfant en changeant des couches par exemple, que cela annule ses ablutions. Mais ça, c'est une masala sur laquelle il y a khilaf. Car le hadith, il parle de son propre sexe. Donc je pense que cet avis-là, de notre shir, n'est pas correct. En réalité. Il a bien dit, Nabi Salem, man massa zakara. Celui qui touche son propre sexe, et pas celui d'autrui. Non. Et j'avais oublié, je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, si je l'avais dit, mais je le répète quand même. Que toucher une impureté n'annule pas les ablutions. Toucher une impureté, par exemple demain tu viens toucher, par exemple une femme, elle change les couches de son enfant, et elle touche ses excréments, son urine. Cela n'annule pas ses ablutions à elle. Ce qui les annule, c'est lorsque elle-même va aux toilettes. Mais toucher une impureté te demande de te laver la partie qui a touché l'impureté, tu la rinces, tu la nettoies, mais cela n'annule pas tes ablutions à toi. D'accord, c'est important à savoir ça. Car des gens souvent sont dans la confusion. Khamisan. Akl al-lahm al-ibil. Manger de la viande de chameau. Manger de la viande de chameau. Wa dalilu hadith Jabir ibn Samura radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an atawaddahu bi لحم الإبل قال نعم أخرجه مسلم. Donc selon Jabir, un homme interrogea le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام en disant refaisons-nous nos ablutions si nous avons mangé de la viande de chameau? Il a dit oui. En fait, dans ce hadith, il est interrogé est-ce que nous faisons des ablutions pour avoir mangé de la viande d'ovin? Il a dit si tu veux. C'est-à-dire, tu as le choix. Et lorsqu'il est interrogé à propos de la viande de chameau, il a dit oui, clairement. Donc de là, ce hadith indique que cette viande annule les ablutions. Et c'est la chair, ça veut dire la viande en elle-même, ou même si quelqu'un viendrait à manger du bouillon fait à partir de cette chair. C'est le même jugement. Par contre, le lait de chamelle n'annule pas les ablutions, car ce n'est pas de la chair. Vous comprenez? Alors que le bouillon, à la base, c'était un liquide qui, lui, a été conçu à partir de la viande. C'est-à-dire, c'est la viande qui a trempé dedans. Donc, la viande, elle est là. Elle a été cuite. Mais le lait, lui, c'est autre chose. Donc, de là, les ulama disent que boire du lait de chamelle n'annule pas les ablutions, mais c'est manger de sa chair. Ou ce qui a été en contact de cuisson avec la chair. نعم سادسا الردة وهي ناقضة للوضوء وللإسلام الأبوستازي et elle annule les ablutions à l'islam. Si ton islam est annulé, il en va de soi que tes ablutions également avec. والدليل قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. Et quiconque mécroit en la foi, son œuvre est certainement annulée. Tout ce que tu as fait est annulé. Quelqu'un qui aura mécru, que ce soit de plein gré ou de mal gré, parce que t'as des gens, ils font de la ridda, ils réalisent pas qu'ils ont fait de la ridda, ils font du shirk, ils font du sirk, ils font des nawaqid, ils disent non, moi, ils se considèrent musulmans, on dit non, t'es plus musulman, et cela implique que ces ablutions, si jamais il les a faites, elles sont également annulées. Par contre, s'il viendra faire tawba et à revenir à faire l'islam, il doit les refaire. Par contre, ses œuvres reviennent. Quelqu'un qui aura apostasié, puis reviendra en islam, alors ses œuvres reviendront également. Comme encore le Ta'ala, فَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمِلًا صَالِحًا فَإِنَّ اللَّهُ يُبَدِلُ سَيَّتِهِمْ حَسَنًا. Que celui qui s'est repenti et qui a œuvré des œuvres de bien, que Allah lui changera ses mauvaises œuvres en bonnes œuvres. Donc c'est le cas pour celui, quelqu'un qui se convertira en islam, ses anciennes mauvaises actions deviennent des bonnes actions. Et quelqu'un qui aurait apostasié, les bonnes actions qu'il aura faites auparavant, qui auraient été annulées, redeviendraient son effectif. Et ça, c'est par les choses de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, dont on doit se réjouir et dont on doit le remercier. Sabian, septième. Zawal al-aql bijunun ou irma ou sukr ou ma ajbahaha min al-adwiyati al-muzila lil-aql. Septième, c'est la perte de raison. Et cela par la démence, la folie, ou par la perte de conscience, c'est-à-dire un évanouissement ou un coma, ou alors causé par l'ivresse, l'alcool ou les drogues, ou ce qui ressemble parmi les choses qui font perdre la raison. Et ça, c'est une chose sur laquelle il y aura unanimité des savants, que la perte de raison annule les ablutions. Et l'unanimité, ce qu'on appelle un ijma', c'est un dalil en religion. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La tajtami' ummati ala dhalala » que ma communauté ne sera jamais réunie sur un égarement. Et quand on dit la communauté, c'est en fait les savants mujtahidoun, et non pas les gens. Si tous les savants mujtahidoun de la communauté sont d'accord sur une chose, alors elle devient un argument et un dalil. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui par rapport à ces masa'il. On espère avoir été clair pour vous. Faylahuna. وسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك واتوب إليك